À demain. À demain. Après l'interdiction du chalutage profond il y a 3 ans, l'Union européenne vient d'interdire la pêche électrique dans ses eaux. Un geste supplémentaire pour tenter autant que faire se peut de faire tendre la pêche vers un équilibre qui assure le renouvellement des populations et de sortir du modèle de surpêche intensive qui a largement vidé les océans de leurs ressources halieutiques. Pour autant, il reste encore du travail à faire en cette semaine de la pêche responsable. Un tiers des stocks de poissons sont encore surexploités et il est toujours compliqué de lutter contre la pêche illégale qui représente jusqu'à 20% des captures. Surpêche, on touche le fond, c'est le programme aquatique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer ces questions liées à la conversion de la pêche mondiale en pêche durable et équitable, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Frédéric Lemanac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur scientifique de l'ONG Bloom, dont on va reparler dans un instant, et docteur en gestion des pêches. Et nous sommes en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Armorique à Rennes avec Didier Gascuel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'écologie marine, directeur du pôle halieutique d'AgroCampus Ouest et auteur de « Pour une révolution dans la mer ». Ce sera publié au mois d'avril aux éditions Actes Sud. Vous pouvez suivre cette émission comme tous les jours, via votre mode d'écoute favori, que ce soit en direct, en replay ou en podcast, mais surtout en complément via notre fil Twitter @laméthodefc, où nous allons poster comme chaque jour un certain nombre de liens vers les études qui seront évoquées en complément donc de notre conversation. Mais pour commencer, l'incarnation de ce modèle de surpêche aveugle, catastrophique pour la biodiversité des fonds marins, c'est certainement le chalutage profond qui a été interdit en 2016 par l'Union européenne. Écoutez cet archive de 1952 qui, à l'inverse, en détaille les mérites. En dehors de la pêche planctonique, c'est-à-dire de la capture des poissons migrateurs se déplaçant dans la mer au-dessus de n'importe quelle profondeur, comme le hareng, la sardine, le maquereau, les différents thons, les poissons que nous mangeons vivent sur le plateau continental à peu de distance du fond. Ils sont capturés, non par des filets flottants, mais par un instrument de pêche qui racle le fond, le chalut. Les soles, les dorades sont le meilleur exemple de ces poissons de fond. Actuellement en France, on pêche régulièrement beaucoup plus au chalut qu'au filet flottant. Les animaux de fond sont en partie herbivores et se nourrissent alors d'algues qui ne peuvent vivre que dans la limite de la pénétration de la lumière. Une partie se nourrit aussi des matières organiques renfermées dans la vase ou fixées au grain de sable. Et le chalut laboure la surface oxydée des vases et des sables. Il détruit la pellicule biogène et il faut attendre qu'elle se reforme, qu'elle se reconstitue lentement. Il est donc nécessaire de protéger les zones chalutables et tout particulièrement la grande vasière qui sur le plateau continental s'étend dans les 100 mètres de la Gironde à Audierne et en Méditerranée de Port-Vendre à Marseille. Voilà, extrait de l'heure de la culture française sur la radiodiffusion française. Dès 1952, Frédéric Lemanac, on entend tout de même qu'on a conscience que le chalut, c'est peut-être pas très très bon pour les fonds marins. Oui, on en avait même conscience avant, puisque quand le chalut a été inventé, ça a été évoqué par des scientifiques anglais notamment, c'était passible de la peine de mort quand même quand on utilisait le chalut de fond au départ. Parce que c'est vrai que c'est une méthode de pêche qui est extrêmement efficace, avec un impact important sur les habitats marins. Et donc, on s'est rendu compte très très rapidement qu'en utilisant cette méthode de pêche lestée, tractée au fond de l'océan, on avait un impact colossal sur les habitats marins. Alors aujourd'hui, Didier Gascuel, je le disais, le chalutage profond a été interdit par l'Union européenne en 2016, mais le chalutage tout court, lui, est toujours autorisé, notamment en mer du Nord, qui est chaluté, j'ai vu parfois certaines zones, jusqu'à 10 fois par an. Oui, absolument. Le salutage profond, c'est celui qu'on pratiquait au-delà de 400 mètres sur le plateau, non pas sur le plateau continental, mais sur le talus continental, en pêchant des espèces tout à fait particulières, le grenadier, l'empereur, etc., qui sont des espèces très fragiles, à turnover très lent. Et donc, c'était une pêche qui s'était développée essentiellement à partir des années 80 et qui, en quelques années, a eu des impacts absolument phénoménaux et a réduit à presque rien les stocks exploités. Donc, Dieu merci, cette pêche-là a été interdite. Elle ne représentait que quelques bateaux et des tonnages relativement limités. L'essentiel des pêches en Europe est aujourd'hui effectivement faite sur le plateau continental, donc plutôt sur des fonds de l'ordre de 200 mètres, moins de 200 mètres, et beaucoup effectivement par des chaluts qu'on qualifie de chaluts de fond et non pas de chaluts profonds. Et ces chaluts de fond, ils sont, comme l'a dit Frédéric Melomanac, à la fois très efficaces, très pêchants, mais en même temps très impactants sur le milieu, sur les habitats. Le chalutage profond, Frédéric Lemanac, aujourd'hui, c'est une victoire ferme et définitive ou c'est encore limité parce que ça a été interdit par l'Union européenne, mais l'Union européenne n'est pas le monde? Non, c'est pas le monde et de toute façon, une victoire n'est jamais définitive. Donc même en Europe, où effectivement le chalutage profond a été interdit au-delà de 800 mètres de profondeur, avant on allait pêcher jusqu'à 2000 mètres de profondeur, c'est une victoire qui est énorme, mais peut-être que dans 10 ou 15 ans, les industriels vont essayer de détricoter cette loi. Donc il faut que nous, on reste bien sûr vigilants. Mais l'Europe n'est bien sûr pas le seul endroit où la pêche profonde a été pratiquée, puisque par exemple en Nouvelle-Zélande ou au Japon, c'est encore deux très grands pays pêcheurs en profondeur. L'autre grande victoire récente que l'on vous doit, notamment Frédéric Lemanac, c'est l'interdiction donc de la pêche électrique, également par l'Union européenne, qui a été votée il y a très peu de temps, qui devrait s'appliquer en 2021. Oui, c'est notre deuxième grande victoire sur l'interdiction d'une méthode de pêche. Ça a été beaucoup plus rapide que le chalutage profond, qui avait pris 8 ans pour arriver jusqu'à l'interdiction. Là, ça nous a pris à peu près 2 ans. C'est quoi déjà, peut-être redire ce que c'est que la pêche électrique? La pêche électrique, c'est un chalut de fond aussi. Donc, on a un filet qui est lesté par des barres métalliques et des chaînes. Et en fait, sur ce chalut, on avait rajouté des électrodes qui créaient un champ électrique qui délogeait le poisson plat, donc par exemple les sols ou les plis du sédiment. Et donc c'était extrêmement efficace. Malheureusement, les Néerlandais, qui sont les seuls à pratiquer cette méthode de pêche en Europe, ont eu 10 ans de tapis rouge déroulé par les députés et par la Commission européenne pour parler d'innovation, de l'accord de Paris, parce qu'on consomme moins de carburant, parce que c'était beaucoup plus efficace. Oui, donc ça consomme moins de carburant, hein, c'est l'un des arguments, c'est de dire du coup c'est plus éco-responsable parce qu'on envoie moins de fuel, on brûle moins de fuel. Parce que le quota de sol est capturé beaucoup plus rapidement, et donc les bateaux ont besoin de pêcher moins longtemps. Mais en fait, ça a quand même des impacts qui sont assez énormes. Ça reste un chalut de fond, donc c'est un engin qui est lourd et qui est lesté et tracté le long de l'océan. Et en plus, on a l'électricité qui a des impacts sur les êtres vivants, qui sont très peu quantifiés parce que les seuls à avoir travaillé sur la pêche électrique sont les Néerlandais. Donc les questions importantes n'ont pas forcément été posées. Mais en tout cas, nous, ce qu'on a vu, c'est que tous les pêcheurs artisans de la mer du Nord, dans la région dans laquelle la pêche électrique est utilisée, c'est que leurs captures s'effondrent, mais de manière totalement dramatique. Par exemple, les fileyeurs, donc des pêcheurs artisans qui pêchent à Boulogne, depuis 2009, ils ont vu leurs captures et leurs valeurs débarquer diminuer de 75%. 2009, c'est l'année où le premier bateau en électricité a été équipé. Et donc, on voit vraiment une corrélation. Alors, c'est pas que ça forcément, mais en tout cas, on voit vraiment un point de bascule au moment où la pêche électrique est arrivée en mer du Nord. Didier Gascuel, c'est une victoire pour les réserves halieutiques. Néanmoins, quand on a dépeuplé comme ça un fond marin de 75% de ces espèces, ces fonds-là sont évidemment très fragilisés. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que il y a un prélèvement sur les espèces concernées par la pêche en général, hein, pas seulement par la pêche électrique, bien sûr. Mais ceci a des répercussions plus globales sur le fonctionnement des écosystèmes, sur les réseaux, ce qu'on appelle les réseaux trophiques, les chaînes alimentaires, et puis dans le cas du chalut, sur les habitats. Donc, c'est un des grands enjeux actuels qui est de repenser la pêche à l'échelle du fonctionnement des écosystèmes, ce qu'on appelle l'approche écosystémique des pêches. C'est ce dont nous allons discuter tout au long de cette heure, et notamment justement bien la pêche, ce qu'on appelle la pêche responsable, la pêche durable, et peut-être même, pourquoi pas, en finir un jour avec la pêche au chalut. On en parle tout de suite. La méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h10 sur France Culture, nous parlons donc de la pêche, de la surpêche, des alternatives à la pêche au chalut. Nous en parlons avec Frédéric Lemanac qui est avec nous ici à Paris, à la Maison de la Radio, avec Didier Gascuel qui est avec nous en duplex depuis les studios de France Bleu Armorique à Rennes. Alors, puisque nous parlons de surpêche, je rappelle que cette semaine, c'est la semaine de la pêche responsable. Je vous en reparlerai d'ailleurs tout à l'heure à la fin de l'émission. Une fois n'est pas coutume tout de même dans le domaine de la biodiversité, on va commencer plutôt par les bonnes nouvelles. Les choses vont plutôt en s'améliorant. Frédéric Lemanac, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, notamment en France, les chiffres dont on dispose en France et dans le monde montrent que le pic de la surpêche aveugle, entre guillemets, a été dépassé, ou il faut être un peu plus prudent ? Alors, dans le monde, non, on voit toujours une tendance à la surexploitation. Donc ça, ce sont les chiffres qui sont produits par les Nations Unies tous les deux ans. Donc c'est les 33% dont vous parliez au tout début de l'émission. Donc ça, on voit que ce chiffre-là augmente quand même tous les deux ans. Donc on a une situation qui ne s'améliore pas tant que ça au niveau mondial. Ce qu'on voit, c'est des améliorations localement. Et donc, par exemple, en Europe, ça a été très surpêché pendant des années, dans les années 90 et 2000. On voit des améliorations pour certaines espèces, dans certaines régions. C'était le cas, par exemple, pour le thon rouge, qui a été dans les médias, dans tous les médias français. Au début des années 2000, oui. Au début des années 2000. Depuis la fin des années 2000, on a vraiment mis en place des outils de gestion, de respect des quotas scientifiques, de surveillance de la pêche. Et on voit que très rapidement, la population de thon rouge a commencé à se reconstituer. Alors, il reste des problèmes, hein, puisque ceux qui ont agrégé tous les quotas pour pêcher du thon rouge sont les pêcheurs industriels qui ont été responsables en grande partie de la surexploitation du thon rouge dans les années 2000. Donc, les pêcheurs artisans, eux, n'ont pas le droit de pêcher cette espèce-là, qui pourtant va beaucoup mieux aujourd'hui. Mais, en tout cas, d'un point de vue biodiversité, on voit, d'un point de vue biologique, on voit que cette espèce-là est sortie de l'ornière. Il y a quasiment 10 ans maintenant, le PNUE, le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, mettait en garde contre le danger d'un océan sans poissons en 2050. Aujourd'hui, ce risque, il est toujours présent, ou est-ce qu'on peut estimer qu'il est en train de s'éloigner un peu, Didier Gascuel ? Je pense que l'idée d'un océan sans poissons était quand même une exagération, qui avait l'avantage de tirer une sonnette d'alarme, et c'était certainement très utile. Mais aucun scientifique n'a pensé que l'océan allait réellement se dépeupler de la totalité de tous ces poissons. Ça ne veut pas dire que ça allait bien. Et effectivement, comme l'a dit Frédéric Lemanac, la situation en Europe a été extrêmement dégradée, avec un maximum de production, enfin un maximum de surexploitation dans les années 90. Pour généraliser un peu les chiffres qui ont été donnés, hein, dans les eaux européennes de l'Atlantique, on estime que à la fin des années 90, 90% des stocks européens étaient surpêchés. Et on estime aussi que l'abondance de la ressource, la quantité de poissons dans la mer, au moins pour ce qui concerne les ressources de fond, les ressources précisément du chalut dont on parlait tout à l'heure, on estime que leur abondance avait été divisée en gros par 10 par rapport à une situation sans pêche. C'est-à-dire que là où il y avait à l'origine 1000 tonnes de poissons, on n'en retrouvait plus que 100 dans cette période-là. Alors depuis, il est vrai que, à la fois parce que le secteur des pêches était en crise, parce que les préoccupations environnementales sont montées dans la société, des décisions politiques ont été prises. Et la très très bonne nouvelle, elle n'est pas suffisante, mais il faut quand même la saluer, c'est que lorsque la volonté politique est là, on peut faire baisser la pression de pêche. La pression de pêche a beaucoup baissé dans les eaux atlantiques de l'Union européenne. On est passé, alors à la fin des années 90, on estimait par exemple que en valeur moyenne pour tous les grands stocks européens, on pêchait chaque année 45% de la biomasse présente sur les fonds. 45% chaque année, et on recommençait d'année en année. On a aujourd'hui divisé presque par deux cette pression de pêche, et on est à une valeur qui est plus proche de 25% de prélèvement tous les ans en moyenne. On estime que l'objectif pour une pêche durable, l'objectif moyen, alors après il est très différent d'une espèce à une autre, hein, mais l'objectif moyen serait de l'ordre de 20%. Donc on a fait des gros progrès, on n'est pas encore tout à fait au bon niveau, mais on a fait des bons progrès. Quand on a la volonté politique, on arrive à diminuer la pression de pêche. Et puis il y a une deuxième très bonne nouvelle, c'est que quand la pression de pêche diminue, l'abondance des stocks remonte. Et ce qu'on observe depuis quelques années, toujours dans les eaux de l'Atlantique, hein, c'est une remontée d'environ 40% en valeur moyenne pour tous les stocks. C'est-à-dire qu'on est repassé des 100 tonnes dont je parlais tout à l'heure à 140 tonnes. Bon, on est loin des 1000 encore, mais ça va dans le bon sens. On est très loin des 1000. On est loin des objectifs que l'Europe s'est donné. L'Europe s'est donné comme objectif d'atteindre ce qu'on appelle dans le jargon le rendement maximum durable. Ce rendement maximum durable, il serait atteint, le fameux RMD, oui. Ce rendement maximum durable, il serait atteint atteint si on atteignait des niveaux qu'on estime aujourd'hui supérieurs aux 200-220 tonnes, là, pour reprendre ces chiffres moyens. Donc, on est en bonne voie, les choses progressent, elles progressent moins vite ces toutes dernières années, on en reparlera peut-être, mais voilà, il y a quand même des bonnes nouvelles. Ce n'est par contre pas vrai ailleurs dans le monde, et ce n'est pas vrai pour ce qui concerne l'Europe, en Méditerranée, on est toujours à plus de 90% de stocks surexploités. Le thon rouge est malheureusement la belle exception en Méditerranée de l'espèce qui a été très très surexploitée et qui aujourd'hui se reconstitue très vite parce que là aussi les mesures ont été prises. Cette situation en Méditerranée, elle s'explique par l'absence totale de consensus politique dans les pays dont les eaux territoriales donnent sur la Méditerranée, ou est-ce que c'est parce que personne ne travaille en ce sens-là? Comment ça se passe politiquement parlant, Didier Gasquel, aujourd'hui? Alors, je pense que la raison principale, elle en est que partout dans le monde, lorsqu'on a voulu gérer les pêches de manière efficace, on est arrivé à la conclusion qu'il fallait mettre en place une politique de quota de pêche. C'est-à-dire que c'est en limitant la quantité de poissons pêchés chaque année, en ajustant ce quota de pêche à l'abondance de la ressource et à son potentiel productif, qu'on arrive réellement à réguler la pêche. Et autant les quotas de pêche ont été instaurés, alors au début, sans suivre les avis scientifiques, mais progressivement suivant de mieux en mieux les avis scientifiques dans l'Atlantique, en revanche, en Méditerranée, à l'exception du thon rouge, aucune espèce n'est aujourd'hui sous quota. Il y a un plan de gestion qui vient d'être décidé par l'Europe. Alors, il marque quelques avancées. On va limiter le nombre de bateaux, on va mieux réglementer les engins. Voilà, c'est des bonnes nouvelles, c'est toujours bon à prendre. Mais je crains que ce plan soit tout à fait insuffisant, parce que tant qu'on ne se décidera pas à mettre en place des quotas de pêche, on n'arrivera pas à faire reculer la surpêche. Le bilan de l'IFREMER vient de sortir là pour l'année 2018. En France, aujourd'hui, donc pour la France uniquement, 50% de la pêche est considérée comme durable. Frédéric Lemanac, pour essayer de continuer un peu sur les bonnes nouvelles, parce qu'on va explorer ensuite les plus mauvaises, mais ça veut dire qu'il y a aussi un fort développement de l'aquaculture. Alors oui, enfin, il y a un développement de l'aquaculture en France, c'est sûr. Après, pour revenir sur les chiffres de l'IFREMER, nous, on les a quand même un petit peu remis en question, puisque en fait, ce sont des chiffres qui sont basés sur les volumes de capture. Or, on dit depuis le début de l'émission que maintenant, il faut aussi s'orienter vers une approche écosystémique, donc prendre en compte toutes les espèces. C'est pas parce qu'une espèce est minoritaire dans les captures qu'elle n'a aucun intérêt pour l'écosystème. Et donc, on a effectivement des chiffres de l'IFREMER qui nous semblent gonflés. Et l'été dernier... C'est-à-dire, en quelle mesure, en quelle proportion? Ben, par exemple, l'été dernier, il y a une étude scientifique qui est sortie dans un journal à comité de lecture de très haut niveau, par une équipe de scientifiques internationaux. Et leur conclusion, c'était que seulement 12% des stocks européens remplissaient les objectifs de la politique commune de la pêche. Vraiment, la PCP, la PCP, donc en termes d'écosystème, donc c'est pas uniquement en volume, mais c'est aussi en nombre d'espèces, en biomasse de poissons qui sont présents dans l'océan. Et donc on est à 12%, pas 50%. Et ça, c'est parce que ces scientifiques-là ont pris en compte l'aspect écosystème de la pêche, et pas seulement les quelques espèces ultra-majoritaires dans certaines captures. Didier Gasquel, sur ces chiffres? Oui, alors le rapport IFREMER donne aussi dans ses annexes les chiffres en nombre de stocks. De toute façon, il faut bien constater que même si on reste en volume, un poisson sur deux qui est pêché conformément aux objectifs actuels de la PCP de durabilité, c'est un sur deux, très bien, mais c'est que un sur deux. Et donc il en reste un sur quatre qui est aujourd'hui encore surpêché, et un sur quatre pour lequel on n'a pas les données, ce qui n'est pas non plus très satisfaisant. Ce qu'il faut bien comprendre, et c'est ce que commence à dire Frédéric Lemanac, c'est que ce qu'on appelle la pêche durable n'est pas quelque chose défini une fois pour toutes pour les scientifiques. C'est quelque part un choix de la société, des niveaux d'équilibre auxquels on veut se stabiliser. Et l'Europe, suivant cela les grands textes internationaux, a décidé que ce qu'on appellerait désormais pêche durable, c'est cette pêche qui assure le fameux rendement maximum durable. C'est-à-dire celle qui permet d'avoir la capture la plus élevée sur le long terme pour chacun des stocks pris de manière isolément. Donc c'est un raisonnement qui s'appuie sur la maximisation des captures. Et par espèce. On sait que par espèce. Oui, c'est voilà. Ça. Donc dans une c'est bien démarche, ça la distinction. Voilà. Donc dans une démarche monospécifique. Oui, alors, d'une part, c'est effectivement, il y a cette question par espèce, et puis il y a la question de l'écosystème. Mais même si on reste par espèce, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'on ne fait pas de réglementation particulière sur les tailles des engins, sur les maillages, sur la taille des poissons... Sur lesquels on va revenir RMD, dans un instant, d'ailleurs, oui, par ailleurs. Oui, sur lesquels on va revenir. Parce voilà. Que c'est important. Mais ce fameux RMD, il est obtenu lorsque l'abondance du stock est divisée divisé par 2,5 ou 3 par rapport à une situation sans pêche. Voilà. Donc, vous prenez un stock qui fait 1000 tonnes, vous le divisez par 2,5 ou 3, et on va obtenir le fameux rendement maximum durable sur chacun des stocks. Personne ne pourrait prétendre que ceci n'est pas sans conséquence sur le fonctionnement de l'écosystème. Lorsque chacun des stocks est divisé par 2,5 ou 3, quelles sont les répercussions sur le fonctionnement, sur les relations trophiques entre prédateurs et proies, sur la résilience de l'écosystème par rapport à d'autres impacts, je pense par exemple au changement climatique, etc. Donc voilà. Donc on a une définition de la pêche durable en Europe qui est alors bien meilleure que l'absence de toute définition. On a fait pire dans le passé, donc réjouissons-nous des progrès. Mais en même temps, il faut bien comprendre que cette définition elle-même mérite discussion et mérite probablement d'être mise en cause aujourd'hui. Mais alors justement, parlons-en, Frédéric Lemanac. Qu'est-ce que c'est que l'exploitation scientifiquement acceptable d'un stock de poissons, puisque manifestement celle qui est définie par la PCP, la politique de pêche commune, qui est l'équivalent de la PAC pour la pêche, la politique agricole commune, n'est pas satisfaisante. Est-ce que ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on arrive finalement au terme d'une année et de la saison de reproduction à un prélèvement qui soit entièrement reconstitué? Enfin, comment est-ce qu'on pourrait définir ça sur des bases scientifiques? La définition sur des bases scientifiques de la pêche durable, comme le disait Didier Gascuel, elle doit évoluer, puisque aujourd'hui, pour la société, ça devient inacceptable de détruire l'environnement pour ramasser une espèce qui est sauvage. Donc, je ne sais pas vraiment si on peut définir ça en termes de reconstitution des espèces année après année, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que on a besoin d'aller vers une transition. On a besoin d'opérer une transition vers des méthodes de pêche qui sont plus vertueuses. Nous, c'est le cœur de notre combat, puisqu'on lutte contre les méthodes de pêche qui sont destructrices, que ce soit le chalut profond ou la pêche électrique ou peut-être dans le futur d'autres méthodes de pêche. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a une évolution de la société qui demande des évolutions aussi des outils de gestion de la pêche. En France, on a 70% à peu près des volumes de poissons débarqués qui sont pêchés au chalut de fond. C'est pas durable. Pour nous, ça ne peut pas être appelé durable. Dans le monde, on a 20% des captures annuelles qui sont réduites en farine et en huile pour les besoins de l'aquaculture ou les besoins de l'élevage de poulets ou de porcs. C'est pas durable pour nous. La pêche durable, ça doit être aussi la meilleure utilisation de cette ressource sauvage, puisqu'elle est fragile. Et donc, la réduire en bouillie pour faire du cochon ou du poulet de mauvaise qualité, c'est pas quelque chose qu'on peut appeler de durable. Et donc, il faut qu'on fasse évoluer les législations. Il faut qu'on ait des évolutions sur les engins qui sont utilisés. Il faut qu'on ait des législations sur l'utilisation qui est faite de cette ressource sauvage. Donc, c'est pas simplement une question de reconstitution des poissons. C'est aussi la manière dont on pêche et pourquoi on pêche. Ça, c'est pour une exception, on dira peut-être un peu plus politique, sur une exception, disons, plus scientifique, Didier Gascuel. Aujourd'hui, est-ce qu'on a des marqueurs, justement, en termes, comme je le demandais tout à l'heure à Frédéric Lemanac, en termes de renouvellement de stocks halieutiques, quels seraient les critères qui vous sembleraient, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'ils ont été posés, et quels seraient ceux qui vous semblent acceptables ou intéressants? Alors, donc, le critère qui est posé aujourd'hui, c'est pas un critère d'équilibre, contrairement à ce que croit le grand public. C'est-à-dire que vous dites, il faut que le stock se reconstitue. C'est la question que je pose. Je ne dis rien, vous savez. Mais bien sûr. Mais c'est la question qu'on nous pose très, très souvent. Hein. Le grand public pense qu'il suffit que le stock se reconstitue. Et moi, je réponds tout de suite, mais reconstitue à quel niveau? C'est-à-dire qu'on a été très longtemps en Europe dans une situation dans laquelle le stock se reproduisait identique à lui-même, 100 tonnes sur le fond, là où il y en avait 1000 à l'origine. C'est-à-dire qu'il se reconstituait à l'équilibre, à des niveaux d'équilibre extrêmement bas. Et ça, c'est certainement pas quelque chose qui est souhaitable. Donc, la pêche durable, c'est pas la pêche équilibrée. On peut parfaitement être équilibré à des niveaux tout à fait insatisfaisants. D'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait qu'un stock totalement éteint, c'est quelque chose de parfaitement équilibré et qui va durer éternellement. Donc, le fait d'être à l'équilibre n'est pas un critère par rapport à la durabilité. Et donc, la durabilité, c'est bien ce que je disais tout à l'heure, c'est quelque part un choix d'un niveau d'équilibre que la société juge à un moment donné désirable, souhaitable. Voilà. Le choix qui est fait actuellement par l'Europe, c'est de dire on va être au niveau d'équilibre, parmi tous les équilibres possibles, et tous les équilibres sont possibles, on va choisir un niveau d'équilibre qui nous produit la capture maximale. Et donc la surexploitation, c'est pas quand il y a des équilibres, c'est quand il y a trop de bateaux, et que ce trop de bateaux conduit à moins de capture. C'est-à-dire que c'est cette situation un peu absurde, ou même totalement absurde, dans laquelle on rajoute des bateaux, on rajoute du travail, on rajoute de la consommation de fuel pour finalement faire diminuer la capture, parce que le stock diminue tellement que la capture finit par diminuer. Donc la surexploitation, c'est d'abord un système de production qui est devenu fou, un système dans lequel ça serait comme une industrie automobile dans laquelle on mettrait des machines-outils pour construire des voitures, et puis on rajouterait un certain nombre de machines-outils dont la fonction serait de casser une partie des voitures produites. Donc c'est ça la surexploitation. Et évidemment, il y a un consensus pour en sortir. En même temps, dire qu'il faut en sortir et que c'est absurde, on peut se poser la question de savoir si c'est suffisant. Et moi, je pense effectivement qu'aujourd'hui, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant par rapport à des attentes de la société vis-à-vis de la préservation de l'environnement, de la biodiversité, des habitats, etc. C'est pas suffisant non plus vis-à-vis des enjeux qui s'annoncent. Et en particulier, je pense au changement climatique. Le changement climatique, il est déjà là dans l'océan. Il va bouleverser absolument tous les fonctionnements, toutes les abondances, toutes les situations de pêche. Il faut nous y préparer. Et une des meilleures façons de s'y préparer, c'est de travailler sur la résilience des écosystèmes. Et on peut démontrer assez facilement qu'il est possible de continuer à pêcher à peu près encore autant, dans certains cas même un peu plus, avec des impacts beaucoup plus faibles. Donc la grande question qui est devant nous, c'est comment on diminue les impacts. On ne peut pas se satisfaire simplement de maximiser les captures. Il faut travailler sur la minimisation des impacts tout azimut, des impacts sur chacun des stocks, des impacts sur les réseaux trophiques, des impacts sur les habitats. Il faut mettre l'intelligence, l'innovation, le progrès technologique au service de cet objectif qui est la minimisation des impacts sur les écosystèmes et les ressources naturelles. Et on va en reparler tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission, et puis aussi préserver peut-être une pêche plus artisanale, moins industrielle, puisque la condition de pêcheur n'est pas toujours une condition très facile, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. J'aimerais qu'on fasse un point tout de même également sur un des nœuds du problème de la pêche et de la surpêche, c'est la pêche illégale. Aujourd'hui, est-ce qu'on a un arsenal suffisant ? Est-ce que aujourd'hui cette pêche légale, elle est en augmentation, en régression ? Est-ce qu'elle est encadrée ? Est-ce que les États font suffisamment d'efforts, notamment on pense à des zones du globe comme l'Asie du Sud-Est, pour essayer d'endiguer cette pêche illégale qu'on a effectivement du mal à quantifier ? Forcément. Effectivement, on a du mal à la quantifier puisqu'elle est illégale, donc elle est cachée. Généralement, parfois, on sait que cette pêche illégale existe. Par exemple, la Bloom, la semaine dernière, il y a 15 jours, s'est associée... C'est l'ONG pour laquelle vous travaillez. Voilà, l'ONG pour laquelle je travaille, Bloom, s'est associée avec d'autres ONG européennes pour porter plainte auprès de la Commission européenne contre l'Italie, qui sait pertinemment que certains de ses chalutiers pêchent illégalement en Afrique, mais qui les laisse faire. Donc parfois, la pêche illégale, elle est connue, mais elle est simplement pas punie pour ce qu'elle est. Parfois, elle est aussi totalement sous les radars. Ça, c'est un problème. Ça existe beaucoup dans les pays africains ou en Asie du Sud-Est, qui ont très peu de moyens humains et financiers pour mettre en place des mesures de gestion et de contrôle. Et donc, on se retrouve parfois dans des zones qui sont totalement pillés par des navires étrangers, parfois des navires usines, pour faire de la farine pour les élevages de poulets ou de cochons dont je parlais tout à l'heure, mais aussi pour l'alimentation humaine directe. Donc ça, c'est quelque chose qui est très compliqué, qui pose problème dans certaines régions du globe, notamment en Afrique, comme je le disais. On commence à avoir quand même des outils qui nous permettent de contrôler ou au moins de voir ce qu'il se passe. Comme par exemple la surveillance par satellite. On voit de plus en plus de fondations ou d'ONG qui s'intéressent à ces outils technologiques, puisqu'on arrive à voir et à estimer, en regardant les traces GPS ou les traces des balises radio, si les navires sont en train de pêcher dans des zones illégales, s'ils sont en train de se mettre bord à bord avec d'autres navires pour faire des transbordements, donc c'est-à-dire blanchir du poisson en le passant d'un navire à l'autre. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'on peut estimer maintenant avec une certaine certitude quand même. Et donc on a des algorithmes qui nous permettent de mouliner des milliards et des milliards de données par jour, et donc on peut commencer à contrôler ce qui se passe en termes de pêche illégale. Mais on est encore loin du compte. Didier Gascuel. Oui, alors la pêche illégale, incontestablement, est un enjeu majeur pour la bonne gestion des pêches au niveau mondial. Un cinquième de la pêche mondiale, c'est ça ? Estimé. Oui, c'est l'ordre de grandeur. Alors les Nations Unies viennent de publier un rapport, ils estiment que 10 millions de tonnes, 9 millions je crois, sont pêchées de manière illégale dans le monde. D'autres études qui avaient été publiées, notamment par l'Université de Vancouver, chiffraient plutôt à 15 millions de tonnes. Donc c'est considérable, hein, la pêche officielle, légale, elle est de l'ordre de 80 millions de tonnes aujourd'hui. Donc vous voyez que c'est vraiment des chiffres tout à fait importants. Bon, il faut quand même dire que là aussi, les choses s'améliorent, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il y a moins de en moins de pêche illégale, c'est de plus en plus difficile, la vie des pirates de la mer est, Dieu merci, en train de se compliquer. Et puis il faut dire une chose aussi, c'est que en Europe, les pêches sont dans l'ensemble extrêmement contrôlées, hein. Il faut pas donner une image biaisée, en particulier sur l'Atlantique. L'immense majorité des pêcheurs aujourd'hui sont soumis à des réglementations sur le maillage, ils doivent avoir des permis, ils ont des quotas, ils sont surveillés, ils doivent déclarer leur capture. Ne donnons pas non plus l'image d'une activité qui serait sans réglementation, en particulier en Europe. Ça veut pas dire que tout va bien, hein. Il y a des tricheurs comme il y en a partout. C'est un combat qui a besoin d'être mené en permanence. Mais globalement, la réglementation devient de plus en plus précise, les moyens de contrôle deviennent de plus en plus puissants, en Europe, plus bien sûr que dans des pays africains où la situation reste assez dramatique malheureusement. J'ai lu une initiative intéressante, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, d'un certain Henri Weimerskirch, qui est français, qui propose d'équiper les albatros de balises GPS avec enregistreur radar. Vous avez entendu parler de ça, Frédéric Lemanac ? Pas du tout, mais je vais regarder. Didier Gasquel ? Si, j'ai entendu parler de ça. Et effectivement, il s'agit d'aller regarder ce qui se passe, notamment dans l'océan austral, sur les exploitations de stocks comme la Légine. Donc des bateaux qui vont pêcher très très loin au large, à des endroits où c'est évidemment très difficile d'envoyer la patrouille. Et donc effectivement, il y a cette initiative. Alors que je regarde avec intérêt en me disant tiens, qu'est-ce que ça va donner. Mais voilà, c'est un signe, alors peut-être anecdotique, hein, mais c'est un signe, et il y en a de très nombreux comme ça, qui montrent que de plus en plus d'efforts sont faits pour que la pêche soit une activité réglementée, surveillée. On exploite un bien commun, et donc quand on exploite un bien commun, on est redevable devant la société de ses actes, et on doit être surveillé. C'est une chose aussi logique que de respecter le code de la route sur la route. L'idée, c'est d'équiper donc des albatros avec des balises GPS qui auraient des enregistreurs radars, comme les albatros sont attirés par les bateaux pêcheurs, forcément, puisqu'ils tractent du poisson, du coup, l'albatros serait en même temps un récepteur des signaux radars du bateau et pourrait renseigner donc sur l'activité de pêche illégale. Il y a 140 albatros qui auraient été équipés dans les TAF, hein, les terres australes et antarctiques françaises, Kerguelen, Crozet et Amsterdam notamment. Voilà, on vous a mis le lien sur le fil Twitter. Et puisque nous sommes dans les TAF, eh bien restons-y. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous ne revenez pas de Kerguelen ? Non, j'aimerais beaucoup y aller, c'est mon rêve. Mais du Muséum National d'Histoire Naturelle, c'est pour comprendre loin. Comment pêcheurs, scientifiques et administration travaillent de concert pour préserver les ressources halieutiques, justement à Kerguelen. Oui, j'ai rencontré Guy Duhamel, qui est directeur du département Milieu et Peuplement Aquatique au Muséum et conseiller scientifique pour les pêcheries des TAF, des terres australes et antarctiques françaises. Il collabore depuis plusieurs années avec les pêcheurs et l'administration de ces territoires pour que les stocks halieutiques de ces eaux du sud du globe ne soient pas condamnés par la surpêche. Il nous explique sur quoi repose cette collaboration et comment ces travaux de modélisation et de projection permettent de préserver les écosystèmes marins locaux en n'empêchant pas les marins pêcheurs de faire leur travail. Mais pour commencer, qu'est-ce qui fait l'intérêt de cette région maritime fort lointaine qui regroupe les îles Kerguelen, Crozet, Saint-Paul et Amsterdam ? Guy Duhamel nous répond. Cette région est une des grosses pêcheries françaises en termes de valeur économique, même si le volume en termes de tonnage est limité, puisqu'en gros, si vous voulez, c'est à moins de 10 000 tonnes pêchées annuellement. Mais c'est une pêcherie qui est très lucrative en termes de revenus pour les pêcheurs, et c'est une pêcherie qui est suivie depuis 35 ans à Kerguelen, et puis depuis 70 ans à Saint-Paul-Amsterdam. Donc vous voyez, les scientifiques sont très impliqués dans cette pêcherie depuis très longtemps. Alors si c'est une pêcherie lucrative, ça doit vouloir dire qu'il y a certaines espèces qui sont plus intéressantes que de simples sardines ou de simples maquereaux, je sais pas. Alors quels sont les types d'espèces présentes dans cette pêcherie et pourquoi ces espèces-là sont particulièrement précieuses, disons ? Alors comme espèce intéressante, vous avez une langouste. Donc vous imaginez évidemment l'aspect lucratif de cette pêcherie, mais il y a aussi la pêcherie de l'égine australe et de poissons des glaces qui se déroule à Kerguelen et à Crozet, et donc qui est une pêcherie qui est certifiée pêche durable, donc un travail qui a été de longue haleine pour pouvoir certifier cette pêcherie rentable, mais aussi qui préserve l'environnement. Alors les marins, à une certaine époque, ont épuisé cette ressource, mais avec l'aide des scientifiques, de l'administration et des capitaines, on a réussi à trouver un compromis acceptable pour redresser les stocks. Donc ça s'est fait progressivement et depuis de longues années maintenant, on peut considérer que cette pêcherie est vraiment durable. Et d'ailleurs, c'est certifié pêche durable, ça veut dire qu'on a réussi notre challenge, quoi. Grâce à quelles méthodes, grâce à quels outils, vous vous assurez que les stocks halieutiques ne sont pas entamés de façon trop importante ? D'abord, il faut avoir une certitude sur ce qui est débarqué. C'est-à-dire une connaissance précise des tonnages qui sont débarqués. Et ça, on l'a grâce à des observateurs scientifiques qui sont embarqués sur les navires qui jouent un rôle de contrôle de pêche. Donc le tonnage est certifié, ce qui permet d'avoir une précision dans les débarquements. Et ensuite, les scientifiques travaillent avec ces chiffres pour modéliser le stock et savoir sur quelle pente il se trouve, en pente négative ou en pente positive en ce qui concerne l'avenir de ce stock. Alors dans cette région australe, justement, est-ce qu'il y a des espèces qui ont été menacées par la surpêche ? Ou est-ce qu'on en est en termes d'écosystème local finalement pour la région australe ? Est-ce qu'il y a des espèces qui sont particulièrement menacées là-bas par la surpêche ? On a eu des exemples de surpêche, je vais vous citer deux cas. La première, c'est la surpêche pour la langouste, évidemment, dans les années 1970, quoi, donc ça remonte quand même un certain temps, où là, l'effort de pêche était trop important. Il a fallu réduire drastiquement le nombre de navires et le nombre d'autorisations de pêche pour redresser le stock, mais ça a pris pratiquement 20 ans pour redresser le stock. Un autre exemple, c'est la pêcherie de Kerguelen et de Crozet de l'Égine australe, où là, on a souffert d'une pêcherie pirate, donc braconnier, qui, dans les années 90, a mis à mal cette ressource. Et là, il a fallu, d'une part, employer les grands moyens, c'est-à-dire la marine nationale, quoi, pour dissuader les pêcheurs illégaux à évacuer de la zone. Et depuis, on récupère progressivement des tonnages plus intéressants, quoi, pour les pêcheurs légaux. Donc là, c'est aussi un gros travail avec la marine nationale, avec l'administration française, avec les scientifiques, avec les armateurs, pour arriver à quelque chose qui soit viable, quoi. Ceci a ses effets, puisque nos deux pêcheries de Kerguelen et de Crozet ont été certifiés en 2013 et 2017 en pêcherie durable par le Marine Stewardship Council, donc le MSC, et recertifiés cette année. Donc ça veut dire qu'on est dans le vert, quoi, pour ces pêcheries. Je pense qu'au niveau européen, le contexte est un peu différent, puisque là, c'est beaucoup plus difficile. Vous avez des lobbies qui agissent et qui font que c'est pas aussi facile de gérer une ressource où il y a beaucoup plus d'acteurs que ce qu'on fait nous, où il y a un ou deux, voire six ou sept acteurs seulement. Comment vous pouvez me montrer voilà, sur tel type d'espèce, voilà les modèles à 10, 15, 20 ans, voilà à quoi ça ressemble. Alors ça, ces propositions, vous voyez, c'est ce qu'on envoie au préfet, administrateur supérieur des terres australes, hein, pour donner un avis scientifique, qu'il suit ou qu'il ne suit pas, hein, mais généralement il le suit. Hein, non. Alors on lui propose trois scénarios en fonction de l'état du stock. Hein, donc vous voyez, là c'est le scénario à 50% pour le stock de l'Égine australe, le scénario à 60% et la situation où on est actuellement. Donc on ne doit pas descendre en dessous de 50%. Hein. Donc le stock, vous voyez ici, c'est l'effet de la pêche illégale pendant plusieurs années. Donc là, pour le coup, pendant ces années de pêche illégale, s'est effondré. Et là, vous avez, depuis que là, on a repris, 2004, c'est la fin de la pêche illégale. Donc on a repris tout doucement le stock. Et le modèle que l'on veut proposer pour la gestion, ce n'est pas celui-ci qui conduit encore à une diminution du stock, ni celui-ci qui est une moyenne, donc entre 55 et 60%, mais celui-ci qui conduit à une stabilisation du stock sur, vous voyez, 2049. Voilà. C'est quand même... Ça permet de faire des projections un peu rassurantes quand même. Voilà. Ouais. Et c'est possible puisque ces stocks, ce sont des poissons qui ont une durée de vie assez longue, donc qui permettent justement de travailler sur le long terme sans trop de problèmes, quoi. C'est très différent sur un poisson qui a un cycle de vie court. Pour vous donner un exemple de poissons qui ont un cycle de vie court, la sardine, le maquereau, tout ça sont des espèces à cycle de vie court. alors que vous avez des espèces qui ont une durée de vie très très longue, comme les empereurs, enfin les poissons de grande profondeur, qui sont très très très sensibles à une exploitation, une surexploitation. Voilà le reportage du jour et cet exemple au large et dans les eaux de Kerguelen. Une réaction à ce que vous venez d'entendre l'un et l'autre, Frédéric Lemanac ? Oui, c'est vrai que la pêcherie de l'égine dans les terres australes, elle est connue justement pour être extrêmement bien gérée. Hein. C'est une mine d'or, ça rapporte beaucoup, beaucoup d'argent aux quelques acteurs qui ont le droit d'aller pêcher ces poissons-là. Donc c'est aussi très contrôlé d'un point de vue administratif, tant au niveau des captures que des pratiques de pêche. Par exemple, si un des navires a le malheur de capturer un oiseau, il se fait taper sur les doigts. S'il en capture un deuxième, là, il a des problèmes pour l'année suivante. Donc c'est vraiment une pêche qui est très très bien gérée. C'est malheureusement pas le cas partout. Donc ce serait bien d'avoir ce modèle-là de gestion et de contrôle un peu généralisé, quoi, parce qu'on voit que quand on gère et quand on contrôle, la situation est bonne pour tout le monde. Didier Gascuel. Oui, je confirme. Il se trouve que je suis depuis quelques mois dans le conseil scientifique des TAF et donc j'ai découvert assez récemment cette gestion et j'ai été extrêmement surpris par rapport à ce que je connaissais en Afrique ou en Europe par l'ampleur des moyens qui ont été mis en œuvre à la fois au niveau scientifique et de contrôle pour arriver à une pêche durable. Il y a des observateurs à bord de chacun des navires et comme l'a dit Frédéric Lemanac, c'est pas qu'un pêcheur se fait taper sur les doigts s'il capture un oiseau, c'est que ça lui coûte des milliers de dollars. Il y a un contrôle non seulement sur les stocks exploités, mais également sur les impacts écosystémiques de la pêche. Avec cette limite qui a été soulignée par Alain Duhamel, qui est que on arrive à faire ça dans une situation où il y a un très très petit nombre de bateaux, un très petit nombre d'acteurs, il y a 4 ou 5 armements. Hein. Donc c'est beaucoup plus facile à contrôler. Le bilan écologique est bon. Le bilan en termes économiques et sociaux n'est pas transposable à ce qui se passe en Europe, clairement. C'est Guy Duhamel, hein. Alain Duhamel, c'est pas tout à fait la même personne. Guy Duhamel, oui, excusez-moi. Oui. On va parler. Duhamel connu. Il y en a quelques-uns. Et Olivier, bref, on va pas faire toute la famille. On va revenir dans un instant sur justement quelles solutions pour aboutir à une pêche durable au niveau local, français, européen et pourquoi pas mondial. Look here, girls. Take this advice and remember always in life. Into each heart, some tears must fall. Though you love and lose, you must stand tall. 'Cause we all got to cry sometimes. I say sigh sometimes. Pull yourself together. No use crying forever, 'cause there's too many fishes to see. Too many fishes to see. I say there's short ones. Too many fish in the sea, c'est tout ce qu'on souhaite à nos océans finalement, The Marvelettes, et puis parce qu'on refuse de mettre Juliette Gréco, un petit poisson, un petit oiseau, je tiens à dire que mon réalisateur est un tortionnaire. Nous parlons donc de la pêche, de la surpêche et de la préservation des ressources halieutiques. Nous en parlons avec Frédéric Lemanac qui est avec nous ici en studio à la Maison de la Radio à Paris, qui est directeur scientifique de l'ONG Bloom, qui a obtenu très récemment donc l'interdiction par l'Union Européenne de la pêche électrique, et nous sommes en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Armorique à Rennes avec Didier Gascuel qui est professeur d'écologie marine et directeur du pôle halieutique d'Agrocampus Ouest. Didier Gascuel, un mot justement sur aujourd'hui la solution. Est-ce que la solution finalement c'est l'aquaculture, de développer l'aquaculture et d'arrêter la pêche sauvage ? Alors, je ne le crois pas. Effectivement, le grand public a souvent tendance à penser que la pêche est une survivance de l'époque des hommes préhistoriques, des chasseurs-cueilleurs, etc., et que l'aquaculture est quelque chose de moderne. C'est en réalité beaucoup plus compliqué que ça, et je pense qu'au contraire, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que l'idée de produire entièrement nos aliments dans des milieux artificialisés mérite d'être rediscutée. Je crois que la pêche peut être quelque chose de profondément moderne. C'est le point d'accroche, c'est l'un des derniers points d'accroche que nous avons pour vivre en harmonie avec les écosystèmes, pour peu que nous arrivions à faire cette pêche écosystémique, cette pêche écologie que j'appelle de mes voeux. L'aquaculture, elle a différentes formes. L'aquaculture que nous connaissons chez nous, ce que nous consommons comme produit aquacole, c'est essentiellement le saumon, un petit peu le bar, le turbo et quelques autres, qui sont des poissons piscivores, c'est-à-dire des poissons qui mangent eux-mêmes des poissons et qu'on nourrit en élevage avec de la farine de poisson. Donc ce sont eux qui consomment ces farines de la pêche industrielle, ces farines d'anchois, de sardines, de ménadennes et d'autres espèces. Je pense que c'est un modèle qui n'est effectivement pas durable. On élève des prédateurs en leur donnant à manger de la farine de poissons sauvages. C'est un peu comme si on faisait des élevages de bovins pour faire de la farine de vache et pour nourrir un élevage de loups. Alors, il y a des progrès qui sont faits, l'aquaculture évolue elle-même, elle essaye de moins utiliser de farine animale, voilà. Mais actuellement, l'aquaculture que nous consommons dans les pays industrialisés est une aquaculture qui aggrave les problèmes de surpêche. Ce n'est pas le modèle qui est partout dans le monde. Il y a d'autres endroits du monde où on élève des espèces herbivores, qui ont un bilan environnemental, la carpe, le tilapia en Chine, etc., qui ont des bilans environnementaux bien meilleurs. Mais ces produits-là ne sont pas consommés, ne sont pas vendus, ne sont pas acceptés par les consommateurs européens. Donc l'aquaculture en Asie contribue effectivement à des objectifs de sécurité alimentaire. Il faut s'en féliciter. Ça peut fonctionner dans un certain nombre de pays du Sud et c'est une bonne chose. Par contre, lorsque le consommateur européen se précipite sur le saumon en pensant résoudre les problèmes de surpêche, j'ai envie de dire halte là, vous les aggravez les problèmes de surpêche en faisant cela. Frédéric Le Manac sur l'aquaculture. Je valide tout ce que Didier Gascul a dit. C'est vrai que c'est l'aquaculture que l'on connaît dans les pays occidentaux est problématique puisqu'elle dépend de poissons sauvages pour son alimentation. Après, on voit quand même certains modèles qui émergent, comme c'est le cas en élevage ou en agriculture terrestre, hein. On parle beaucoup de permaculture en ce moment, on peut avoir de la permaculture marine aussi. Et c'est d'ailleurs ce modèle-là d'aquaculture qui a existé au départ, quand l'aquaculture a été inventée en Chine il y a plus de 2000 ans, c'était dans des rizières. Vous aviez donc des rizières, des carpes dans les rizières, des canards dans les rizières. Vous aviez les canards qui mangeaient les petites brindilles de riz qui se décomposaient, qui faisaient leur déjection dans l'eau. Donc qui donnait de l'engrais pour le riz. Le poisson faisait pareil, en plus consommait les larves des insectes qui venaient se reproduire dans les rizières. Et donc à la fin, vous aviez le producteur qui avait du riz, du canard et du poisson, sans engrais, sans insecticides. Ça c'est un modèle que nous on aimerait bien voir être développé en Europe ou dans les autres pays développés. Malheureusement c'est pas quelque chose qui s'est arrivé aux industriels. Oui, et puis c'est pas reproductible non plus pour tous les modèles. Enfin, j'imagine que ces équations écosystémiques un peu simplifiées, ça ne marche pas pour tout, dans tous les systèmes et dans tous les environnements. Non, bien sûr, mais on pourrait très bien imaginer des élevages de poissons beaucoup moins denses, avec des élevages aussi d'algues, de coquillages, comme des coquilles Saint-Jacques, des huîtres, des moules autour de ces élevages de poissons pour filtrer l'eau, la nettoyer. Ça pourrait aussi permettre de nourrir en partie les poissons. Malheureusement, c'est pas ce modèle-là d'aquaculture qui est développé actuellement dans les pays occidentaux. C'est plutôt l'aquaculture hors sol, avec des ordinateurs, des gros bacs en inox, en béton, parce que ça fait rêver. On peut vendre de quelque chose de très très industrialisé. Ça, c'est pas du tout le modèle de l'aquaculture que nous, on veut voir être promu en Europe. Pour ce qui est... Je pense, évidemment, il y a une forme d'aquaculture durable à développer, à créer, à inventer. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même si on fait ça, ça ne résout pas en soi les problèmes de la pêche. Il y a par ailleurs, dans les océans, une production biologique de l'ordre de 80 millions de tonnes, 100 millions de tonnes, dont on a besoin aujourd'hui pour nourrir les humains, et qu'on peut pêcher en préservant la résilience des écosystèmes et leur fonctionnement. Donc, c'est presque deux choses différentes. L'un ne remplace en aucun cas l'autre. autre, une forme d'aquaculture durable doit se rajouter à une pêche durable. Mais alors justement, pour parler de cette pêche durable qui est souhaitable, comment s'y convertir en sachant que derrière, il y a évidemment des enjeux économiques majeurs, il y a un métier, une pêche artisanale à préserver. On sait que la condition des pêcheurs, si aujourd'hui elle s'est un peu améliorée, elle a été source de tensions pendant très longtemps, elle l'est encore aujourd'hui. Un bateau de pêche, que ce soit un chalut ou un autre type de bateau, ça consomme de l'énergie, ça coûte cher. Enfin, comment est-ce qu'on peut concilier ces impératifs économiques, sociologiques, avec la volonté écologique d'installer durablement une pêche qui soit respectueuse de ces écosystèmes, dit SQL? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le secteur des pêches est vraiment un secteur dans lequel les intérêts de l'écologie et les intérêts de l'économie sont parfaitement concordants. La meilleure manière d'avoir une pêche rentable, c'est d'avoir des stocks en bon état et des écosystèmes en bon état. D'ailleurs, nous, les écologistes, on construit des modèles en donnant des avis scientifiques, par exemple pour ce fameux rendement maximum durable. Les gens qui font de l'économie proposent également des objectifs de gestion. Et leurs objectifs de gestion sont plus conservatifs, parce qu'ils ont constaté que pour maximiser non pas la capture, mais la rente économique d'une pêcherie, le bénéfice à la fin obtenu par un pêcheur, il faut des stocks finalement avec des niveaux d'abondance supérieurs à ceux qui sont aujourd'hui poursuivis par l'Union européenne. Donc, sur le long terme, le secteur de la pêche est vraiment un secteur dans lequel il n'y a pas d'opposition entre des objectifs écologiques et des objectifs économiques. La vraie opposition, elle est entre le court terme et le long terme. Voilà. C'est-à-dire que pour atteindre cet avenir radieux, j'ai envie de dire, effectivement, il faut passer par une phase assez compliquée de restriction, de diminution de l'effort de pêche, etc. Donc voilà. Donc je pense sur le long terme, il n'y a pas d'opposition. Il y a une autre chose, je pense, importante qu'il faut dire, c'est que une fois qu'on a dit ça, il faut réouvrir un autre débat qui est effectivement celui de quel type de pêche on a besoin, quel type de pêche on veut. Moi, j'appelle de mes vœux, et j'essaye d'expliquer ça longuement dans mon livre, une situation dans laquelle on s'intéresse à la fois à la minimisation des impacts de la pêche sur les écosystèmes, mais aussi à la maximisation de l'utilité économique et sociale, voire sociétale, qu'on fait des services que nous produisent la nature, et notamment de ces poissons qu'on pêche. Si la mer nous produit 100 tonnes, si on peut pêcher dans la mer de manière durable 100 tonnes, comment nous les exploitons, pas seulement pour gagner un maximum d'argent, ce qui est la logique du système économique dans lequel nous vivons, mais finalement pour qu'il y ait un maximum de retombées positives sur la société. En termes d'aménagement du territoire, par exemple, la pêche en France a un rôle fondamental à jouer en termes d'aménagement du territoire. Mais voilà, pour l'équilibre des communautés humaines qui vivent sur le littoral, en termes sociaux, en termes culturels, etc. Donc, le type de pêche dont on a besoin, cet objectif de maximisation de l'utilité économique et sociale, est vraiment une grande question sur l'avenir que nous voulons donner à la pêche. Frédéric Le Manac, justement, sur finalement, quand on entend Didier Gasquel, on se dit qu'il y a il y aurait une sorte de consensus finalement, ou un monde dans lequel finalement la pêche, les intérêts de la pêche, les intérêts des pêcheurs et les intérêts des écologues se retrouveraient. On peut peut-être pas rentrer dans le détail parce qu'on arrive à la fin de cette émission, mais que finalement, en augmentant les mailles du filet, en laissant passer les plus petits poissons, finalement, on augmente le rendement de la pêche. Et finalement, si ce monde merveilleux existe, pourquoi n'y allons-nous pas? Pourquoi n'est-ce pas le cas aujourd'hui? Et pourquoi est-ce que les pêcheurs disent encore aujourd'hui que ce sont les premières victimes d'une volonté de changer, de sortir de ce système-là qui leur permet de survivre, mais encore une fois, pas dans des conditions très reluisantes. Tout simplement parce que ceux qui ont capitalisé les quotas, les droits de pêche, sont ceux qui dépendent le plus des méthodes de pêche ultra efficaces. Donc tout à l'heure, on a parlé du thon rouge avec les quelques pêcheurs industriels qui ont agrégé 90 ou 95% des quotas en France. Mais c'est vrai pour les autres espèces. Et donc on a un cercle vicieux où ceux qui consomment le plus de carburant ont le plus d'impact sur les écosystèmes marins, sont ceux qui s'allouent les quotas entre eux, sont ceux qui récupèrent les subventions pour maintenir leur système qui dépend de la consommation de carburant. Et donc on a un système politique de gestion de la pêche qui est totalement verrouillé. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on ait un levier d'action, puisque si on arrive à faire sauter ce blocage d'allocation des quotas, d'allocation des droits de pêche, d'allocation des subventions, en fait, on pourra faire émerger un système plus vertueux avec, comme le disait Didier Gasquel, une maximisation sociétale, socio-économique de la pêche. Et c'est vraiment vers ça qu'on veut tendre. C'est-à-dire revenir à une pêche artisanale et sortir de la pêche industrielle avec les bateaux-usines, etc., c'est ça ? Pas forcément. Nous, la pêche industrielle, on n'y est pas opposé. Elle a le droit d'exister, pour nous, loin des côtes, lorsqu'elle n'est pas en conflit avec les pêcheurs artisans. Sur le long du littoral, c'est la pêche artisanale qui doit avoir le droit de pêche. C'est elle qui crée le tissu social, économique, culturel le long des côtes européennes. C'est pas la pêche industrielle. Donc c'est ça, c'est à cette pêche-là qu'il faut donner le droit d'exister et de se développer. Et ça, on pourra le faire uniquement quand on aura fait sauter les verrous politiques qui maintiennent en place une pêche industrielle destructrice. Et ces verrous politiques, on les fait sauter comment ? On les fait sauter notamment à Bruxelles. C'est le travail de l'ONG Bloom pour laquelle je travaille. On est très, très actifs au niveau bruxellois, donc pour faire interdire certaines méthodes de pêche. Mais on est aussi très en contact avec les pêcheurs artisans, justement pour voir comment déverrouiller ce problème d'allocation des quotas, puisqu'actuellement, les pêcheurs artisans, on les miette, alors qu'il faudrait qu'ils aient le gros des droits de pêche. Donc ça, c'est quelque chose qui va avoir beaucoup de poids dans les années qui viennent. Didier Gasquel. Oui, moi je ne crois pas que la pêche industrielle soit nécessairement destructrice. On a parlé tout à l'heure de cette pêche au Kerguelen, qui est une pêche éminemment industrielle et qui est extrêmement contrôlée d'un point de vue écologique. Ce qui fait la différence entre la petite pêche côtière, qu'on qualifie souvent d'artisanale, mais je préfère parler de petite pêche côtière, et une pêche plus industrielle, c'est pas le bilan écologique. Je connais des pêches industrielles vertueuses et des pêches artisanales. Je pense à ce qui se passe par exemple dans certains pays africains qui ont des bilans environnementaux absolument désastreux. Par contre, voilà, et puis j'ai envie de dire aussi, ça a été dit, sur certaines ressources qui sont loin ou large, on ne va pas y aller avec des petits bateaux côtiers, donc on a besoin d'une pêche industrielle et d'une pêche industrielle vertueuse. Ce qui est vrai, c'est que pour un certain nombre de ressources côtières, là où on a le choix, le bilan économique et social est souvent, très largement, en faveur d'une petite pêche artisanale qui emploie plus de monde, qui fait vivre des territoires côtiers, qui crée de l'emploi, qui crée de l'activité, qui crée de la culture, et ça me paraît très important. Pourquoi on n'y va pas ? Je pense que le troisième grand chantier, minimisation de l'impact, maximisation de l'utilité économique et sociale, le troisième grand chantier, c'est effectivement celui de la gouvernance. Et je pense, par rapport à ça, que les écosystèmes marins sont des biens communs, et comme ils sont des biens communs, leur destin doit être géré par des communautés qui s'intéressent aux biens communs. Et c'est facile de construire une communauté qui s'intéresse aux biens communs quand il y a 5-6 bateaux. C'est beaucoup plus compliqué quand on s'intéresse à ce qui se passe en mer du Nord, 13 pays, des milliers de pêcheurs qui n'utilisent pas les mêmes engins, qui n'ont pas les mêmes intérêts, etc. Comment on fait pour créer cette communauté qui associe ces pêcheurs, mais aussi la société civile, ses représentants, etc., pour qu'ils se sentent réellement responsables de l'avenir du bien commun qu'ils ont entre les mains et qui les fait vivre et qui doivent faire vivre leurs enfants. Donc, on est aujourd'hui dans un système très top-down dans lequel l'Europe a réussi à imposer un certain nombre de réglementations finalement assez efficaces, mais au prix d'une incompréhension des communautés locales. Les pêcheurs ne comprennent pas les objectifs de gestion, etc. Donc, il faut qu'il y ait une réappropriation de l'avenir des ressources et de l'avenir des écosystèmes par les communautés de pêcheurs et par la société civile. J'aimerais qu'on conclue un dernier mot peut-être avec vous, Frédéric Lemanac, sur ce que nous pouvons faire nous aussi à l'échelle individuelle en tant que consommateurs. Est-ce qu'il y a des labels ? Est-ce qu'on peut faire attention aux poissons qu'on achète, qu'on mange ? Comment ? Alors oui, il y a des labels. Pour nous, il y a deux types de labels. Il y a les labels qui ont des mots valises, pêche durable, pêche responsable, pêche équitable. Ça, faut pas regarder. Pour nous, c'est pas. On a parlé un petit peu pendant l'émission. C'est trop compliqué à définir. On a des interprétations qui sont faites par les cabinets d'études qui vont octroyer les labels. Et donc, on va avoir des pêches qui sont très bien gérées, comme celle de Kerguelen, par exemple, qui vont être noyés au milieu des pires méthodes de pêche au niveau mondial. Donc on a parlé tout à l'heure de pêche qui réduisait les anchois, les sardines en farine. Ça, c'est certifié pêche durable, comme la pêche de l'Égine au Kerguelen. Donc pour nous, c'est pas ça qu'il faut regarder. Ce qu'il faut regarder, c'est sur l'étiquette. Depuis décembre 2014, en Europe, on a l'obligation d'avoir la méthode de pêche. Donc c'est un peu plus compliqué, mais il faut simplement que le citoyen sache faire la différence entre les impacts d'un casier et les impacts d'un chalut, et donc préférer les poissons qui ont été pêchés au casier, à la ligne ou au filet plutôt qu'au chalut. Mais ça, c'est dans les supermarchés quand il y a une étiquette. Quand je suis chez mon poissonnier, je fais comment ? C'est pareil. Le règlement européen depuis décembre 2014, c'est obligation d'indication de la méthode de pêche. Donc si ça n'y est pas, il faut demander à votre poissonnier de l'indiquer. C'est obligatoire. Et dans les restaurants ? Le restaurateur doit être capable de vous dire comment le poisson qui est vendu a été pêché. Et un dernier mot, puisque c'est cette semaine la semaine de la pêche responsable du 18 au 14 février. Un dernier mot sur ce label MSC. Qu'est-ce que c'est ? Vous pouvez nous en dire un mot, Frédéric Le Manac ? Pour nous, c'est pas quelque chose qui garantit une pêche durable au consommateur. Donc c'est ce que je disais. En fait, vous allez retrouver un petit peu de tout et n'importe quoi sous ce label-là. Vous allez avoir du très bon comme du très mauvais. Donc pour nous, c'est pas une garantie de pêche durable pour le consommateur. Et en fait, c'est quand même une entreprise privée qui gagne de l'argent avec tous les logos qui se retrouvent sur les barquettes de poissons qui sont certifiées. Donc il y a des incitations financières à laisser certifier les plus grosses pêcheries ultra efficaces au niveau mondial. Bon, un mot tout de même pour vous dire que dans le cadre de cette semaine de la pêche responsable, on vous a mis le lien sur le fil Twitter de l'émission. Il y a notamment une conférence qui est tenue ce soir à la CRI à Paris au palais de la Porte Dorée. Voilà, vous pouvez retrouver ça sur le fil Twitter de l'émission. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Merci Frédéric Le Manac d'être venu nous parler des ressources halieutiques. Merci également Didier Gasquel. Merci à nos camarades de France Bleu Armorique à Rennes pour le duplex. Un mot Didier Gasquel, on en reparlera, on reviendra au moment de la publication, mais il faut attendre le mois d'avril pour pouvoir se procurer votre prochain livre pour une révolution dans la mer. Ce sera aux éditions Actes Sud. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Noémie Naguet de Saint-Vulfrance, Céline Lausanne et Honor Pérez, Antoine Beauchamp et Vétienne, Olivier Bétard à la réalisation, Pierrick Monsigny à la technique. Dans le prochain épisode de la méthode scientifique, demain nous parlerons des nouvelles pistes de recherche pour lutter contre l'antibiorésistance qui pourrait trouver certains de ces germes dans notre propre microbiote intestinal. On en parle demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.